Radiomatic. La transmission 235 d'Audiomatic s'amorçait avec la formation américaine Limbic System et leur composition Falconer, tirée de son troisième album Symbolist, paru en 2012. Les sonoristes ont choisi le projet Solar Fields pour assurer la continuité d'Audiomatic. Thank you. À Audiomatic, cette séquence de deux pièces se terminait sur la musique de l'artiste John Hopkins, de qui nous écoutions la pièce « Breathe This Air » apparaissant sur son avant-dernier album intitulé « Immunity » paru en 2013. Avant John Hopkins, c'était le projet Solar Fields et sa pièce « Union Light » se trouvant sur l'album « Anthology Red » qui fait partie d'une série de trois albums regroupant des pièces parues sur des compilations, aussi des versions alternatives d'autres pièces et des pièces inédites. Outre Red, les deux autres albums de la série s'intitulent Green et Blue. Audiomatic se poursuit sans plus s'attarder avec le groupe Throwing Muses. c'est avec le duo brooklynois Eras, qui s'orthographie E-R-A-A-S, que cette séquence musicale se terminait à Audiomatic. De leur deuxième album Initiation, lancé en 2013, nous entendions la pièce Looking Glass. Et pour débuter, il s'agissait de la formation Throwing Muses, qui existe depuis 1983 et qui est menée par la chanteuse, guitariste et auteure-compositrice Christian Hirsch. De son neuvième album Purgatory Paradise, sorti en 2013, nous avions droit à la chanson Sunray Venus. Audiomatic se poursuit sur la musique de la formation Boren und der Club of Gore. C'était Kid Koala qui nous interprétait sa pièce Emui, tirée de son album Music to Draw To, I.O., album sur lequel la chanteuse Trixie Whitley collabore avec sa voix sur quelques pièces. Et avant cela, c'était la formation Boren und der Club of Gore avec sa musique qu'on peut qualifier de Doom Jazz de l'album Black Earth paru en 2002. Nous entendions la pièce Maximum Black. Nous poursuivons à Audiomatique avec le groupe Soviet Soviet. We'll be right back. Nous terminions ce bloc à Audiomatique avec le projet The Soft Moon, qui est l'incarnation musicale de l'artiste californien Louis Vasquez, qui nous interprétait la chanson-titre de son deuxième album, Zeros, qui est paru en 2012. Et en début de bloc, c'était le groupe italien Soviet Soviet, de qui nous entendions la chanson Gone Fast, extraite de leur deuxième album Fate, sorti en 2013. Maintenant, pour clore cette transmission 3-2-5 d'Audiomatique, nous vous présenterons le groupe anglais Beak, duquel fait partie, entre autres, Jeff Barrow, bien sûr leader de la formation Portishead, de leur troisième album qui a comme titre « Trois signes de plus grand que », nous entendrons la pièce « Allée sauvage ». L'histoire sonore d'Audiomatique se poursuivra mercredi prochain dès 17h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, alors que son passé est archivé dans les univers numériques et accessible sur nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-cfou. Voici la formation Beak et la pièce Allée sauvage. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Mm-hmm.